Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet du Pré 1861. Question 23. De la différence des passions. Différence entre les passions du concupiscible et les passions de l'irascible. Caractère particulier de ces dernières. Énumération des passions. 1. Les passions du concupiscible sont-elles différentes des passions de l'irascible? Si des puissances diverses ont des objets divers, il en est nécessairement de même des passions qui affectent ces puissances. Par conséquent, ces passions diffèrent d'espèce entre elles, car il faut une plus grande différence dans les objets pour spécifier les puissances que pour spécifier les passions et les actes. Pour établir maintenant quelles sont celles qui appartiennent au concupiscible et quelles sont celles de l'irascible, il faut se reporter à la notion que nous avons donnée de l'une et de l'autre de ces deux puissances dans la première partie de cet ouvrage, question 81, où nous avons montré que l'objet de la puissance concupiscible est le bien ou le mal, c'est-à-dire l'agréable et le douloureux, pris absolument, tandis que celui de la puissance irascible est le bien et le mal considéré comme chose difficile. Cela étant, toutes les passions qui regardent le bien ou le mal d'une manière absolue appartiennent à la puissance concupiscible, ainsi la joie, la tristesse, l'amour, la haine, et les autres. Celles qui regardent le bien et le mal du côté de la difficulté que présentent, soit l'acquisition de l'un, soit la fuite de l'autre, reviennent à la puissance irascible, telles sont la crainte, l'espérance, et les autres semblables. 2. Les passions de l'irascible ont-elles une autre opposition entre elles que celles qui résultent du bien et du mal objectif? Il existe deux sortes d'opposition dans les passions de l'âme. L'une vient des objets, c'est-à-dire du bien et du mal, l'autre résulte de ce que tantôt l'on s'approche et tantôt l'on s'éloigne d'un même terme. La première existe seulement dans les passions du concupiscible, mais elles se trouvent tous deux dans les passions de l'irascible. Voici la raison de cette différence. L'objet du concupiscible, c'est, comme nous l'avons dit plus haut, le bien et le mal pris dans le sens absolu. Or, le bien, comme tel, n'est pas un terme dont on s'éloigne, et le mal, comme tel, n'est pas un terme dont on s'approche, tous les êtres désirent le bien et fuient le mal. Aussi toute passion de l'appétit concupiscible tend au bien, comme l'amour, le désir, la joie, ou fuit le mal, comme la haine, l'aversion et la tristesse. Ces passions n'ont pas entre elles l'opposition du rapprochement et de l'éloignement par rapport à un même terme. Mais cette dernière opposition existe dans les passions de l'irascible, qui ont pour objet le bien et le mal considérés comme chose difficile, car un bien difficile à obtenir présente, comme bien, un motif de le rechercher, et, comme difficile, un motif de le fuir. De là, d'un côté, l'espérance, de l'autre, le désespoir. Pareillement, le mal difficile à éviter offre, comme mal, un motif de le fuir, ce qui regarde la crainte, mais il offre aussi, par sa difficulté même, quelque chose qui nous attire vers lui comme vers une chose dont il faut triompher pour échapper à l'esclavage. Et cela revient à l'audace. Il y a, on le voit, dans les passions de l'irascible, une opposition qui résulte de la contrariété du bien et du mal, comme, par exemple, entre l'espérance et la crainte, et, de plus, une autre opposition provenant de ce qu'on s'approche ou de ce qu'on s'éloigne du même terme, telle est celle de l'audace et de la crainte. 3. Y a-t-il quelque passion qui n'ait pas son contraire? Il y a une passion qui a cela de particulier, qu'elle n'a point son contraire, ni selon l'opposition du rapprochement et de l'éloignement vis-à-vis du même terme, ni selon la contrariété du bien et du mal objectif. Cette passion, c'est la colère, qui est causée par un mal à la fois difficile et présent, car, où l'appétit succombe sous le poids du mal qui l'accable, et c'est la tristesse, passion du concupiscible, où il s'élève contre le mal, et c'est alors la colère elle-même qui éclate. 4. Y a-t-il dans la même puissance des passions différentes d'espèces, mais non contraires les unes aux autres? Le bien, qui a une force attractive, détermine dans le concupiscible une inclination, ensuite un mouvement, puis un repos, et c'est ce qui explique l'amour, le désir et la joie, passions différentes d'espèces, mais non pas opposées. Le mal, qui possède, au contraire, une force répulsive, y produit des effets analogues, en sens inverse, d'où la haine, l'aversion et la douleur, passions également différentes d'espèces, sans être contraires l'une à l'autre. Dans les passions de l'irascible, où l'inclination à poursuivre le bien et à fuir le mal est supposée de la part du concupiscible, nous trouvons l'espérance et le désespoir à l'égard du bien qu'on ne possède pas encore, la crainte et l'audace, à l'égard du mal non encore arrivé, et enfin la colère, qui n'a point son contraire. Sur ce fondement, nous devons admettre dans la puissance concupiscible trois sortes de passions, qui ont chacune leur contraire, ce sont, l'amour et la haine, le désir et l'aversion, la joie et la douleur. On en distingue pareillement trois dans l'irascible, l'espérance et le désespoir, la crainte et l'audace, puis enfin la colère. Voilà en tout 11 passions différentes d'espèces, 6 dans le concupiscible, 5 dans l'irascible. Markandanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.